Chapitre 20e. Cependant, M. Dalbreuse, dont chaque dépêche annonçait l'agonie, ne se hâtait pas de mourir. Inquiète sur le résultat final de la maladie qui, en se prolongeant, menaçait de perdre de sa gravité, la pensée de Julie flottait indécise entre divers partis qui avaient chacun leur mauvais côté. Son esprit allait du jeune marquis de Carlepont à M. de Prats et de M. de Prats à M. Desbordes. Se compromettre avec un grand éclat dans l'espoir d'être marquise un jour, et plus tard duchesse, n'était-ce pas couper par le pied les bois du maître des forges? Que de futaies abattues, dont le moindre fagot ne flamberait plus pour elle. Accepter les hommages de M. de Prats n'était-ce pas incliner du côté de la galanterie, vers laquelle elle se sentait poussée par une force de plus en plus redoutable? De ce côté-là, c'était l'inconnu, avec toutes ses ténèbres qui s'ouvraient. Les poètes parlent de ces spirales sombres qui unissent entre eux les cercles de l'enfer. Ils commencent dans la lumière et finissent dans les ténèbres, ainsi du monde de Paris. Des salons les plus brillants, où rayonne, entourée de grâce et de respect, une élite de femmes, la spirale s'enfonce par degrés dans des obscurités fangeuses où s'agite une bohème vouée à toutes les hontes et à tous les besoins. Le premier échelon franchi, on descend toujours. Les cercles vous attirent et chaque chute nouvelle en promet de plus profonde et de plus irréparable. On était au sommet, parmi les plus respectés, on était tout en bas, dans la foule des plus avilis. Il n'a fallu qu'un pas, et l'abîme vous attend. Madame Dalbreuse avait mis le pied dans la spirale. Déjà la galanterie se révélait par ses côtés les plus âpres et les plus douloureux. Des tiraillements tous les jours, le mensonge en permanence. Et que de ménagements pour sauver les apparences et maintenir en équilibre une situation qui commençait à ne plus tromper personne. Sa vie s'épuisait en combinaisons, et les appétits, hérités par la contagion de l'exemple et les tyrannies de l'habitude, s'accroissaient en raison de la pénurie. Le faste avait quelques instants, la gêne toutes les heures. Son esprit s'accoutumait aux capitulations. En revanche, il y avait des jours où, prise subitement d'un dégoût profond, Madame Dalbreuse enviait le sort de sa femme de chambre. Seulement il était trop tard pour reculer, et l'instinct de la perversité la poussait en avant. Comme ces navigateurs qui devinent à l'aspect de certains rameaux ballottés par les vagues vers quel rivage encore lointain leur course les entraîne, il n'avait fallu à M. de Bléré qu'un petit nombre de signes pour percer jusqu'au fond cette existence pleine de troubles et d'embûches. Le hasard en était le maître. Sûr de ne pas se tromper, et après quelques jours donnés à des recherches patientes, comme un sauvage qui étudie les pistes de l'ennemi avant de pousser le cri de guerre. « Bon, se dit-il, j'attaquerai le taureau par les cornes. » Un soir, en quittant l'opéra, et au moment où M. Desbordes, qu'il avait mis en voiture, s'éloignait après avoir salué Mme Dalbreuse, un inconnu d'une rare distinction ouvrit tout à coup la portière et le chapeau à la main, lui présente poliment un bracelet où les diamants et les rubis mêlaient leur feu. « Madame, voici un petit objet que vous venez de perdre, je crois. Permettez-moi de vous le remettre, » dit-il. « Mais, monsieur, je n'ai rien perdu, » répondit Madame Dalbreuse, qui ne put s'empêcher de jeter sur le bracelet le regard d'Ève souriant aux pommes du paradis terrestre. « Madame, quand j'ai ramassé ce bijou, il était à vos pieds. Si vous le permettez, il y restera. » Et laissant tomber le joyau sur les genoux de Madame Dalbreuse, l'inconnu se retira après s'être incliné d'un air de politesse. Elle penchait la tête à la portière, il avait disparu dans la foule. Un moment après, la voiture roulait sur le boulevard. La clarté tombant des becs de gaz illuminait par intervalles les pierreries qui scintillaient sous les doigts de Julie. Elle ne pouvait en détacher les yeux. Les feux qui s'en échappaient l'éblouissaient. Elle avait comme de petits frissons sous la peau. « Qu'il est beau !» pensait-elle en examinant le bracelet de plus près. L'aurait-il vraiment trouvé par terre? Il faudrait donc le rendre. Un nuage passa sous le front de Madame Dalbreuse. « Allons donc » continua-t-elle mentalement. « Pas un grain de poussière, pas un atome de boue. Il sort de son écrin. Est-ce que par hasard ? Ce serait d'une rare audace. Il avait, il est vrai, tout à fait l'air d'un grand seigneur en me saluant. » Sa pensée descendit dans des gouffres. Henri était en ce moment bien loin de son souvenir. De retour chez elle, Madame Dalbreuse noua le bracelet autour de son poignet et le fit chatoyer aux clartés de 10 bougies. Elle n'avait jamais porté rien d'aussi beau. Le flot des âpres désirs s'était emparé de son cœur. « Il est certain que je reverrai l'homme au bracelet, » murmura-t-elle. Il y avait à côté de la glace qui reflétait son image un portrait qui la représentait tout enfant, jouant avec des fleurs. Ses regards s'y arrêtèrent. Elle devint sérieuse, un voile de tristesse passa sur son visage, et ses doigts tremblants détachèrent les pierreries qui brûlaient son épiderme. Mais tout à coup, et au moment de s'en séparer, Julie fit un pas du côté de la muraille et tournant le portrait contre la tenture. « Ah, il est trop tard, » reprit-elle. Le bracelet resta sous l'oreiller pendant son sommeil. Le lendemain, on lui annonça la visite de M. le comte de Mennecy. « Le comte de Mennecy, je ne le connais pas, » dit-elle. « Cependant, il insiste pour voir, madame. »« Ah, le mot bracelet, sans doute, » pensa-t-elle. Madame d'Albreuse ne se trompait pas. C'était M. de Bléré, qui, sous un nom d'emprunt, commençait la campagne dont l'idée lui était venue en causant avec M. de Carlepont. La personne qui prend la liberté de vous rendre visite sans avoir eu l'honneur de vous être présentée, dit-il, vient savoir si Madame d'Albreuse a bien voulu reconnaître le fugitif que j'ai eu la bonne fortune de rattraper hier à la sortie de l'opéra. La question était pour Madame d'Albreuse de savoir au juste si son interlocuteur plaisantait ou s'il parlait sérieusement. Mais je répéterai à Monsieur le comte de Mennecy ce que je lui disais l'autre soir, répliqua-t-elle, je n'ai véritablement rien perdu. Alors, madame, il ne nous reste plus qu'à jeter ce bijou au coin de la borne, le jeter. À moins qu'il ne nous plaise d'en faire présent à quelque loterie de bienfaisance. La fenêtre est là, la rue est derrière. Ces petits cailloux rouges et blancs, si bien sertis dans l'or, n'en sont séparés que par l'épaisseur d'une vitre. Faites un geste, et ils ne vous embrasseront plus. Mais, par exemple, ce n'est pas moi, je vous le jure, qui vous aiderait à les chasser de chez vous. Ce qui sort de mes mains n'y rentre plus. Est-ce à dire, monsieur, que ce qui entre dans les miennes n'en doit plus sortir? C'est mon opinion, en effet, madame, et je crois que c'est celle de tout le monde. Si, pour parler votre langage, je me résignais à garder en prison ces petits cailloux jusqu'à ce qu'ils aient trouvé leur maître légitime, pourrais-je vous demander pourquoi vous les avez si habilement ramassés? Parce qu'il m'a semblé que ces choses charmantes feraient meilleure figure à votre bras que sous la vitrine d'un bijoutier. Vous êtes franc, monsieur le comte. Je vais l'être plus encore, madame. Monsieur d'Albreuse, votre mari, a le mauvais goût de ne pas se décider à mourir. Comme un temps il en avait donné l'espoir à ses amis. Monsieur, me serais-je trompé en pensant que vous aviez assez d'esprit pour être sincère? Non, n'est-ce pas? Donc, laissez-moi ajouter que Monsieur d'Albreuse est à la veille de quitter cette petite ville, mi-partie allemande, mi-partie hongroise, où il s'est obstiné, malgré tous les efforts de la science, à ne pas rendre l'âme. On assure même qu'il est très bien portant, quoique ruiné. Madame d'Albreuse ne put réprimer un geste d'effroi. Pour tout dire en un mot, continua le faucon de Mennecy, Monsieur d'Albreuse sera en route avant 8 jours et à Paris dans 15. Monsieur d'Albreuse, dites-vous. Monsieur d'Albreuse, votre mari, oui, madame. Mais, monsieur, comment le savez-vous? Oh, c'est fort simple. J'ai un intérêt très vif, à savoir ce que fait et ce que projette Monsieur d'Albreuse, et cet intérêt a commencé le jour où je vous ai vu. Est-ce clair? Très clair. S'il faut pousser mes confidences plus loin, j'ajouterai que depuis un assez long temps déjà, vous êtes le centre, je pourrais presque dire le mobile unique de mes actions. Ce que je voyais de vous me charmait. J'imagine que vous êtes accoutumé à ces effets. Malheureusement, ce que j'ai découvert, lorsque j'ai pris la peine d'écouter aux portes, m'a véritablement attristé. Ah ? Fit Julie. Eh oui, madame, vous êtes mal entourée. Pour une Parisienne de race pure, en vérité, vous me jetez dans de grands étonnements. Expliquez-vous, s'il vous plaît. Vous allez me comprendre, et pour commencer, je fais le procès à tout ce qui vous entoure. Je suis tout oreille, faites feu. D'abord, je vous le demande. Qu'est-ce que monsieur Desbordes ? Un oncle, dont personne ne prend au sérieux la parenté, un maître de forge qui fait du bruit comme un escadron parce qu'il y a 2 ou 3 méchantes forêts. Cet homme à vos pieds ? Il sera mis à sa place dans votre antichambre. Faites-en un chasseur, si bon vous semble, mais votre cavalier, fi donc. Et monsieur le baron de Prats, on assure qu'il a eu des aventures. Est-ce à vous de le récompenser? Et là, j'en conviens, de la vanité comme un sot et de l'insolence comme un parvenu. 2 bonnes choses pour se pousser dans le monde, avec tout cela 1 demi-million tout au plus. C'est un homme qu'on peut admettre dans un boudoir, on ne les garde pas. Reste le Sir Henri de Carlepont. Au dernier les bons. C'est ce que je pensais. Celui-là sur un homme, mais il faut attendre. Il a le nom, il a le caractère, il a le cœur. Je ne sais pas si l'on vous a parlé de ce qu'il a fait avec M. de Prats. Je l'ai su par une indiscrétion du baron lui-même. Le cœur, le caractère et le nom, c'est beaucoup. Le reste viendra-t-il? C'est une chance à courir. Il m'est revenu que vous poursuiviez la chimère d'un mariage. Ah, et en supposant que ce soit vrai, comment vous en êtes-vous douté, je vous prie? C'est fort simple. Quand un médecin est appelé au chevet d'un malade, il étudie les symptômes de la maladie et, par les diagnostics, il sait quel ennemi il doit combattre. De même, quand un homme qui n'a plus 30 ans voit auprès d'une femme des fils d'Adam qui ne les ont pas encore, il se demande pourquoi ils y sont et pourquoi elle les garde. Or, j'ai appris que dans ce salon rôdait un beau jeune homme, qui n'a point de fortune et qui a un beau nom. On l'y accueille, on l'y retient, et on est en passe de devenir veuve. Concluez. Très bien, monsieur, après. Malheureusement, voilà monsieur d'Albreuse qui s'entête de ne pas vouloir que vous preniez le deuil. D'ailleurs, monsieur d'Albreuse mort, il y aurait encore le duc de Carlepont. Vous l'avez vu, je crois. Vous savez donc tout. À peu près. Or, vous avez pu remarquer que c'est à lui seul un obstacle sérieux. Henri est majeur, monsieur le comte. Mais monsieur de Carlepont est son père, madame. Il y a des luttes qu'il est imprudent de tenter, parce que la victoire même vous laisse moins fort qu'on ne l'était avant la bataille. Voilà mon entourage intime par terre. Que faire à présent? Vous plairait-il au moins de m'offrir un conseil? Volontiers. Eh bien, monsieur, je ne serais pas fâché de connaître quels avis sortent d'une bouche aussi savante. Mais peut-être, et je dois vous en avertir, me réserverai-je la liberté de n'en pas profiter. Eh, madame, si l'on savait user des conseils intelligents, on aurait rarement besoin d'en demander. Donc, si j'étais à la place d'une femme, jeune, élégante, belle et bien née, j'aurais bien soin d'écarter de mon salon tous les êtres inutiles, ennuyeux et encombrants, les jours de bal exceptés. Ah, mon Dieu, mais je serais chez moi comme dans un désert. Madame, dans le désert, il y a des lions. Continuez, monsieur. Maintenant, je suis trop du monde pour ne pas savoir qu'il y a des visiteurs qu'on accepte par intervalles, comme les banquettes et les violons les soirs de fête. Mais par contre, si j'étais la femme distinguée dont nous parlons, j'aurais un cercle d'habitués, ayant un nom, un état, une situation. Des personnes qui ressembleraient à M. le comte de Mency, par exemple? Oui, madame, répondit tranquillement l'interlocuteur de Julie. Je vois que vous avez ce personnage en estime toute particulière, dit Mme d'Albreuse. J'ajouterai que ce que j'en puis deviner me fait croire que vous n'avez pas tort. Madame, j'ai toujours raison. J'ajouterai seulement que les comtes de Mency, d'où qu'ils viennent, n'errent pas sur le pavé de Paris en très grand nombre. Le cercle formé, je n'y admettrai plus personne. Une femme est beaucoup par elle-même, elle est encore plus par son intimité. Les salons ne comptent que par la difficulté qu'on éprouve à y pénétrer. Trop ouvert, on n'y va pas. Une jolie femme me répondra peut-être qu'elle a un cœur et des sympathies. Si nous parlons de ces frivolités, nous ne nous entendrons plus. Il s'agit d'être quelque chose et de prendre rang dans Paris. D'ailleurs, je ne suis pas féroce à ce point d'empêcher une jolie femme, dont le mari se promène ou tombe malade on ne sait où, de distinguer parmi les autres de son salon une personne discrète et sachant le monde. À Dieu ne plaise que je lui refuse cette consolation. Mais je supprime les imprudences et les coups de tête. Il faut un guide et un appui. On n'a pas tout cela aux environs de la 20e année. Il est certain qu'on n'a jamais vu d'adolescent qui eut l'idée de trouver des diamants entre deux pavés. Cela n'est rien. Le beau est de n'en plus s'en souvenir. Le faucon de Mency venait de se lever. Il prit délicatement la main de Madame d'Albreuse et la baisa. « Au revoir, madame, » dit-il. La portière abaissée, une sorte de dégoût se peignit sur sa physionomie. « Voilà donc, » pensa-t-il, « où l'amour du luxe peut amener une femme qui a été du monde. » Ah, pauvre Henri! Madame d'Albreuse était restée à sa place, rêveuse, la tête inclinée sur sa main. Je n'ai jamais vu personne entrer chez moi et en sortir comme le comte de Mency, disait-elle. Si M. d'Albreuse lui avait ressemblé, peut-être. Elle frissonna, puis passant la main sur son front, elle appela sa femme de chambre. Lorsque M. le comte de Mency reviendra, si je ne suis pas seule, Vous me préviendrez, dit-elle. J'y serai toujours pour lui.